du psy. Yeah, yeah. Sixième chapitre. Sixième chaudron. Sixième acte. Sixième verset. Sixième péché. Sixième perso. Sixième crayon. Sixième méga. Sixième dégât. Putain, c'est un pas. Sixième exercice. Sixième sens. Sixième chapitre.